Chapitre 55e. 10 heures sonnaient lorsque Roucambole et Roland entrèrent au club. Il y avait peu de monde encore, et à part une petite pièce où une douzaine de jeunes gens faisaient un mistigris et fumaient des cigarettes, les salons étaient à peu près déserts. Le triomphant M. Octave présidait cette réunion intime et gagnait fort lestement une centaine de louis lorsque le marquis de Chambry et son compagnon arrivèrent. « Parbleu ! » s'écria-t-il en les voyant. « Vous êtes gentils de venir me relever, messieurs. J'ai eu ces jours-ci une déveine, un guignon, dont rien ne vous saurait donner une idée. »« Mais tu gagnes ce soir, » dit un joueur qui perdait et avait la perte mauvaise. « C'est vrai, mais j'ai perdu hier, et puisque voilà Roland, je profite d'une petite affaire que j'ai avec lui pour l'emmener dans une embrasure de croisée et faire très carrément Charlemagne. »« Ah, Roland » fit-on à la ronde. « Moi-même, messieurs, » répondit M. Clayet, qui saluait avec la modestie d'un homme parfaitement heureux. « Nous en avons appris de belles sur ton compte, messire Don Juan, » dit un joueur. « Sur moi, » dit Roland. « Mais oui, » dit Octave. « Octave est un indiscret. »« Octave est un indiscret, » murmura le fat, enchanté que son aventure avec la comtesse Artoff courut le monde. Roucambole se pencha à l'oreille de Roland. « Je vous l'avais prédit, » lui dit-il tout bas. « Avant 3 jours, grâce à monsieur Octave, Paris entier saura votre histoire. »« Que voulez-vous ? » répondit Roland. « Ce garçon est d'une indiscrétion déplorable. »« Messieurs, » dit un autre joueur à mi-voix, « je ne m'oppose pas à ce que Don Juan de Clayet soit félicité selon son mérite. Mais je vous convie à la représentation prochaine d'un joli drame réaliste. Avant 8 jours, vous aurez un très beau duel à la porte Maillot. »« répondit-on. « Ceci est possible. » Et, ajouta M. Octave, « cela manque encore à la gloire de Faust de Clayet. » Messieurs, s'écria Roland, qui au fond était ravi de la tournure que prenait l'entretien. « Je vous prierai d'abandonner un peu ce terrain non moins brûlant que déplacé, sur lequel se trouve la conversation. »« Soit, mon cher, mais aussi pourquoi vous montrer ainsi à l'opéra ?» Roland répondit en fredonnant une ariette, et il s'assit à la table de jeu. En ce moment, Fabien arriva. On avait pour Fabien l'homme grave, le gentleman accompli, et à qui le mariage semblait avoir donné un caractère plus sérieux encore, une considération qui tenait presque du respect, et son apparition coupa court aux plaisanteries dont la réputation de la comtesse allait être le but. Les sourires s'effacèrent peu à peu, on salua Fabien, et on continua à voix basse à s'entretenir de la bonne fortune de Roland. Le vicomte, après avoir échangé quelques poignées de main, se pencha à l'oreille du faux marquis de Chambry. « Mon ami, tu as eu une mauvaise inspiration. » « À propos de quoi ?»« En nous proposant de venir ici, à Roland et à moi. Pourquoi cela ?»« Parce que le comte Artoff est arrivé. »« Eh bien, qu'est-ce que cela fait ? Et qu'il viendra ce soir ?»« Allons donc, il ne fait pas partie de ce cercle. »« Non, mais il a un ami qui en fait partie. »« Et tu le nommes Château-Mailly. » Ce jeune duc qui avait demandé la main de Mademoiselle Salandrera, lui-même, mon cher. Eh bien, mais dit Roucambole, ce n'est pas une raison pour que le comte vienne ici. Il y viendra, qu'en sais-tu? Tiens, voici le billet que j'ai reçu 5 minutes après votre départ. Le billet que Fabien tendit à son beau-frère n'avait que quelques lignes. Mon cher vicomte, je vous ai laissé les garçons en quittant Paris. J'y reviens et vous retrouve marié. En attendant que vous me fassiez l'honneur de me présenter à la vicomtesse d'Amol, est-ce que vous ne ferez pas quelque chose pour un ami qui désire vous serrer la main au plus vite? Château-Mailly, qui dîne chez moi, me mène à son club ce soir. Vous en êtes ou vous devez en être. Venez-y, vous m'y verrez entre 10 et 11 heures. À vous, comte Artoff. Après avoir lu ce billet, Roucambole parut n'avoir pas compris. Eh bien, après tout, demanda-t-il, je voudrais bien que le comte et Roland ne se rencontrassent point. Crois-tu donc que Roland va lui dire qu'il est aimé de sa femme? Non. Mais il est capable de prendre vis-à-vis de lui un air impertinent qui donnera à penser. Si nous pouvions trouver un prétexte pour l'emmener, c'est difficile, il joue, il perd déjà. Et il est trop tard, ajouta M. Damol, qui venait de tourner les yeux vers la porte. En effet, 2 hommes venaient d'apparaître sur le seuil du petit salon. L'un était le jeune duc de Château-Mailly, l'autre était le comte Artoff. Roucambole l'enveloppa de son regard intelligent, pénétrant et rusé. « Voilà 5 ans que je ne l'ai vu, » se dit-il, « et il me semble qu'il est changé. » Il a grossi, il porte toute sa barbe, il a près de 30 ans. Si j'ai proportionnellement changé comme lui, le diable m'emporte si ma physionomie à l'indienne et ma barbe blonde éveille en lui un seul souvenir. En effet, Rocambole était réellement devenu méconnaissable avec son visage légèrement bistré, comme celui des marins qui reviennent de l'Inde, et sa barbe blonde qu'il portait très épaisse. Il avait su même imprimer une intonation toute différente à sa voix. Comme le comte Artof et le duc entraient sans bruit, les joueurs, tout entiers à leur partie, ne levèrent pas la tête, et Fabien en profita pour aller à la rencontre de ces messieurs. Rocambole le suivit sans hésitation. M. Damol et le comte se serrèrent la main avec effusion, puis Fabien lui montra Rocambole. « Mon cher comte, je vous présente en revenant, mon beau-frère, M. le marquis de Chamery, ex-officier de marine au service de la Compagnie des Indes. » Le comte et Rocambole se saluèrent, et le premier attacha sur le prétendu marquis ce regard indifférent et calme qu'on lève sur un visage parfaitement inconnu. Rocambole ne sourcilla point. « Ah, monsieur le comte, dit-il, Fabien nous parle de vous tous les jours, à ma sœur et à moi. »« C'est un homme charmant et un noble cœur, répondit le comte, et il ajouta, avec un sourire plein de courtoisie et de grâce, « Et il mérite le bonheur et l'honneur qui lui sont advenus lorsqu'il est entré dans votre maison, monsieur le marquis. » Rocambole s'inclina avec le plus aimable et le plus faux des sourires. « Imbécile, murmura par lui, tu avais moins d'égard pour moi le jour où tu me fis cela dans un sac et me fis jeter à l'eau par tes cosaques. » Le duc de Châteaumaïs s'était approché de la table de jeu et disait « Messieurs et chers amis, veuillez me permettre de vous dire bonjour et de vous amener un grand seigneur moscovite qui a pu déjà apprécier l'hospitalité parisienne, monsieur le comte Artof. » Ce nom que le duc de Châteaumaïs prononça fort simplement tomba comme la foudre au milieu des joueurs. Parmi eux, peu connaissaient de vue cet homme dont il venait de déchirer l'honneur conjugal à belles dents. Mais le grand seigneur russe, assez riche, assez élevé au-dessus des préjugés pour avoir osé épouser la Baccara, se recommandait trop de lui-même, et en dehors de l'aventure de Roland de Clayet à la curiosité publique, pour que, alors même que cette aventure n'eût point été tout à l'heure le sujet de la conversation générale, son arrivée ne produisit une véritable sensation. Le comte, on le sait, était de haute taille. Il avait ce nez d'aigle et ce regard dominateur de la race conquérante des Slaves. D'une beauté mâle, il avait un sourire charmant, le sourire du lion que sa force rend magnanime, un regard calme et doux. D'une distinction et d'une simplicité parfaites, le comte Artof était un de ces hommes, éminemment grand seigneur par nature, au cœur droit et bon, mais à la nature énergique, à la volonté inflexible. De ces hommes dont l'œil bleu s'enflamme subitement et qui, une passion violente les animant tout à coup, deviennent aussi terribles qu'ils paraissaient inoffensifs naguère. L'attitude, le sourire, le regard du comte exprimaient si bien la possibilité de cette métamorphose que pas un de ceux qui le virent entrer ne put s'empêcher de tressaillir et de porter un coup d'œil de commisération à Roland. L'un d'eux-mêmes se pencha à l'oreille du jeune Octave. « Je crois, lui dit-il, que Roland était léger en se vantant de son bonheur. « Bon, fit M. Octave, qui ne doutait de rien, il s'en tirera. Chut !» Au nom du comte Artof, M. Roland de Clayet n'avait pu s'empêcher de tressaillir et de relever vivement la tête. Les regards de ces deux hommes se rencontrèrent. Roland et le comte s'étaient vus à bas de l'espace d'une heure à peine dans le salon du bal du casino, mais c'en était assez pour que le comte reconnût le jeune homme. « Monsieur de Clayet, fit-il, saluant. « Moi-même, répondit Roland, qui rendit le salut avec une raideur maladroite, un peu étonné du reste que le comte, qui ne lui avait jamais adressé la parole, l'appela par son nom. « Monsieur, poursuivit le comte avec un accent de franchise et de simplicité, qui amena derrière lui quelques demi-souris moqueurs sur les lèvres de ceux qui étaient dans la confidence de Roland, pardonnez-moi d'aller droit au but. J'ai des remerciements à vous faire au nom de la comtesse Artof, que vous avez sauvée d'une mort à peu près certaine à Heidelberg, et vous me permettrez d'y joindre l'expression de ma vive reconnaissance. » Le pauvre homme, murmura M. Octave, qui avait des réminiscences de Tartuffe. Les joueurs échangèrent des regards ironiques. Roland, dont une grande maladresse caractérisait toutes les actions et dictait toutes les paroles, répondit d'un ton sec « J'ai fait purement et simplement mon devoir, monsieur. » Et il continua à jouer, battant les cartes avec une sorte d'impatience fiévreuse qui n'échappa à personne. « Hé hé !» murmura M. Octave, « je crois que Roland est jaloux. » Rocambole se penchait en même temps à l'oreille de Fabien. ce Roland de Clayer est un sot, lui dit-il. C'est mon avis, répliqua Fabien, qui soupira profondément. Cependant, le ton sec de Roland et quelques regards ailleurs n'avaient point échappé au comte Tartoff. Le gentilhomme russe avait même froncé le sourcil, car il savait que Roland s'était montré à Bade très empressé auprès de sa femme et que Heidelberg lui avait adressé plusieurs lettres d'amour, lettres qui, on le sait, étaient demeurées sans réponse. M. Damol, qui, lui, savait tout, ou du moins croyait tout savoir, surprit ce mouvement de sourcil. Il devina que la situation était tendue, qu'il suffirait de quelque impertinence de Roland, de quelques mots à double entente du jeune M. Octave, pour amener un éclat entre deux hommes qui s'étaient vus à peine, se saluaient pour la première fois et n'en échangeaient pas moins un regard hostile. Roland se croyait obligé de haïr le comte. Le comte avait tout de suite compris qu'il avait affaire à un fat et Roland lui avait horriblement déplu. « Si nous faisions un whist, » dit Fabien, qui cherchait à éloigner le comte Tartoff de Roland. Dit le comte en riant, « c'est bien calme. »« J'aimerais assez une bouillotte volante, » fit observer Rocambole, qui avait une inspiration. « Va pour la bouillotte, » dit le duc de Châteaumailly. Le russe fit un geste d'assentiment. Fabien les emmena tous les trois dans une salle voisine, et ils s'installèrent autour d'une table. « Je sais mon Roland par cœur, » pensait Rocambole. « Ne voyons plus le comte, dont l'aspect lui porte sur les nerfs, il va le chercher et il est capable de venir nous demander à entrer. » Rocambole ne se trompait pas. Le comte Tartoff disparut, Roland, qui était crispé, releva la tête, eut un sourire de triomphe. « En vérité, messieurs, » dit le jeune monsieur Octave, « à quoi pense donc Châteaumailly? Il nous amène le comte Tartoff. » Mais il ne sait donc absolument rien. Il ne sait rien, répondit un joueur. Sans cela, vous pensez bien. Mais un des assistants s'avisa de dire tout bas. Il n'est pas moins vrai, messieurs, que la vue du mari et son nom prononcé tout à coup en quelque peu troublé fait pâlir le revainqueur. Eh bien, s'écria Roland, piqué au vif, c'est ce qui vous trompe, mon cher. Où est le comte? Avec M. Damol, messieurs de Chamery et de Châteaumailly, dans le salon vert où il joue à la bouillotte. « C'est bien, messieurs, je vais demander à entrer. » Et Roland quitta la table de Mistigris et se dirigea la tête haute, un dédaigneux sourire aux lèvres, vers le salon vert. Deux ou trois joueurs le suivirent. « Ce garçon veut se faire tuer, » dit l'un d'eux. « Prenez garde, » répondit Roland, qui entendit et se retourna. « À quoi faut-il prendre garde? Si vous dites un mot de plus, » continua Roland, « je vais passer pour un lâche, et vous me forcerez à chercher querelle au comte. » « Fi, mon cher, » dit le premier interlocuteur en prenant M. de Clayer par le bras, « tout le monde sait que tu es brave, ainsi sois prudent. » Mais Roland, qui était la personnification la plus complète de la vanité, avait été piqué au jeu, et il entra dans le salon vert d'un air insupportable et conquérant qui acheva de déplaire au comte Tartoff. Précisément, en ce moment-là, Rocambole, qui avait entendu le pas de Roland derrière lui, tirait sa montre et disait « mon quart d'heure est fini. » Qui veut prendre ma place et entrer? Moi, dit Roland. Fabien tressaillit et se trouva mal à l'aise. Roland salua de nouveau le comte avec une politesse affectée cette fois et s'assit à sa gauche. Le jeune monsieur Octave vint se placer derrière lui. Rocambole y demeura également. La partie continua. Pendant quelques minutes, le comte, tout entier à son jeu, ne remarqua ni l'attitude, pour ainsi dire, hostile de Roland, ni les regards que trois ou quatre membres du club laissait parfois tomber sur lui en chuchotant. Mais le comte, ayant fait deux ou trois fois son tout, et Roland lui ayant tenu avec une sorte d'acharnement de mauvais goût, Fabien vit le gentilhomme russe froncer le sourcil de nouveau, et pour qui connaissait le comte Tartoff, c'était un indice plein de gravité. Tout à coup, un domestique entra. C'était l'ancien valet de chambre que Rocambole avait rue de Suresnes et qu'il avait donné à Roland. Il s'approcha d'un air mystérieux et remit une lettre à son maître. « Vous permettez, messieurs ?» dit Roland, qui sourit de plaisir. Et tandis qu'il brisait le cachet et laissait tomber l'enveloppe sur la table, il se tournait vers M. Octave. « C'est elle, » disait-il à mi-voix, en ayant l'air d'oublier que le comte Tartoff attendait qu'il jouât à son tour. Et Roland, que les sarcasmes de ses amis avaient grisé, tendit la lettre à Rocambole. Mais en ce moment, le vicomte Fabien Damol, indigné, se leva et arracha vivement le billet des mains de Roland, stupéfait. « Vous êtes un jeune fat, mon bel ami, » lui dit-il à moitié grave, moitié souriant, « et c'est fort mal à vous de compromettre une danseuse de l'opéra. » Et comme on ne savait encore ce que signifiaient les paroles de M. Damol, et que Roland, étourdi, se demandait s'il devait rire ou se fâcher, le vicomte approcha le biais d'une bougie et le brûla lestement. L'enveloppe seule était tombée à terre. « Va, mon ami, va à ton rendez-vous !» continua Fabien en riant. « Chamery prendra ta place !» Et pour détourner l'attention du comte, « C'est à votre tour de donner, » dit-il. Roland s'était levé triomphant. « Vous m'excuserez, monsieur le comte. »« Certainement, monsieur, » répondit le comte Artof, dont les sourcils demeuraient froncés. Alors le jeune monsieur Octave s'écria. « Ce Roland a un aplomb merveilleux. Il se fait relancer jusqu'ici par les femmes les plus à la mode. » Le comte, agité d'un vague pressentiment, tressaillit à ce mot. « Des femmes à la mode, » dit Fabien. « Allons donc, une danseuse maigre à la bonne heure. » « Mais ce n'est pas une danseuse, c'est une femme du monde. » M. Damol regarda M. Octave en face et lui dit « Vous êtes décidément beaucoup trop jeune, monsieur, pour parler de ces choses-là, et vous me permettrez de vous donner un conseil. « Voyons, » répliqua en ricanant le jeune héritier, Fabien tira sa montre. « Il est minuit, et les enfants de votre âge sont toujours couchés à cette heure-là. » Une heure après, la bouillotte était désertée. Fabien et M. de Châteaumailly étaient partis. Le comte Artof lisait un journal anglais. Accoudé à cette même table, sous laquelle était tombée l'enveloppe du billet que Roland avait reçu. Mais le comte lisait machinalement. Il était soucieux et préoccupé. Il avait surpris quelques regards moqueurs, sans pouvoir deviner à qui il s'adressait. L'action de Fabien, se hâtant de brûler le billet reçu par Roland, lui semblait étrange. Tout à coup, en reculant un peu sa chaise, le comte baissa les yeux, aperçut l'enveloppe, et dominé par une sorte de curiosité fébrile, il s'en saisit et y jeta les yeux avidement. Soudain, Rocambole, qui fumait tranquillement à quelques pas en dégageant deux colonnes du Times, vit le comte pâlir et chanceler. « Tiens, se dit-il, je crois qu'il a reconnu l'écriture, ma parole d'honneur. Voici la mèche allumée, le baril sautera. » Et Rocambole s'esquiva sans bruit, laissant le comte Artof seul et, pour ainsi dire, anéanti.